Putain, tous des fils de pute, tous des enfoirés. Putain, tu veux que je te dise quoi, que c'est tous des fils de pute, tous des enfoirés, y'a pas de vrais bonhommes. Dans cette ville, ils jouent tous les hommes. Y'a pas de gangsters, y'en a même pas de vénère. Je répète à chaque fois, vas-y, casse-toi de là. Arrête de me parler si tu me connais pas. Ouais, je sais, y'a beaucoup de on-dit. On dit que je suis un méchant, on dit que je suis un voleur. On dit que je suis un violent, on dit que je suis un putain de chien. J'en ai rien à foutre, moi je m'en prends d'eux. Moi j'ai des vrais potos qui peuvent compter sur moi. Ils peuvent compter sur moi, je peux compter sur eux. C'est vice versa, eux c'est moi. Alors je te le dirai pas, 1, 2, 3. Écoute ça, petite tafiote. Si tu fais pas partie de mon monde, vas-y casse-toi. Tu veux goûter à ma séquestration? Tu veux que je t'enferme dans ma cave? Alors casse-toi. Je te le dirai pas 10 fois, alors casse-toi. Je te le répéterai pas 2 fois, alors casse-toi. Et encore une 3e fois, alors casse-toi. Ne joue pas les bad boys si t'as pas les moyens. Tu sais quoi? Arrête de faire le chien. Tu connais pas ma vie, tu sais pas qui je suis. Alors tu sais quoi? Mange ton petit gâteau, trempe-le dans ton lait. Appuie sur ton nez, y'a encore du lait qui coule. Alors va te faire foutre, tous des fils de pute, tous des enfoirés. Dans cette vie, pas beaucoup de vrais, plutôt pas beaucoup de vrais hommes. Le peu, je les connais, sont avec moi. Alors ne joue pas comme si t'étais fort. Ne joue pas les gangsters avec tes potos. Je dirais putain, t'as amené toutes tes copines pour m'attraper. Alors va te faire enculer. Et ça c'était que l'impro, petit fils de pute. Putain c'est une impro, je suis balèze. Je te prends le micro et je te le mets dans le cul. Tu sais quoi, je te mets à l'aise. Je te le répète pas, c'était une impro. Va te faire foutre, appelle-moi Jack Mesrine. Je veux bien boire, non, je connais pas Eglantine. Va te faire foutre, j'ai jamais été aux Ulis. Je suis pas de Marseille, je suis pas de Paris. Moi je m'en bats les couilles. Tu sais quoi, encore une fois pour toi, c'était l'impro. Tous des enfoirés, des salauds. On remet ça la prochaine fois, gars. Tous des enfoirés. Hey, c'était Shelmy.